troisième temps de notre série sur les anarchismes. Aujourd'hui, l'anarchisme espagnol. De cette histoire, nous connaissons surtout la fin tragique, celle qui fait des anarchistes une des composantes essentielles de la guerre civile espagnole. Or, le mouvement anarchiste a fait ses premiers pas en Espagne dès 1868, quand Giuseppe Fanelli, proche de Bakounine, arrive à Barcelone. Et peut-être même avant, nous allons le voir avec nos invités, comment l'idée anarchiste a-t-elle pris pied en Espagne? Quelle différence y a-t-il entre anarchisme en milieu rural et anarchisme ouvrier dans ce pays? C'est ce que nous verrons entre autres avec Séverine Yattard, qui a préparé cette série d'émissions avec nous, et nos trois invités. Joël Delhomme, il est maître de conférence à l'Université de Bretagne Sud et chercheur à Rennes 2, au laboratoire et à l'équipe de recherche Interlangue, Mémoire, Identité, Territoire. Il sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Quimper, que nous remercions de l'accueillir. Et puis Myrtille Gonzalbo sera en duplex depuis Grenoble. Elle est membre d'un collectif d'historiens amateurs, autoproclamés gyménologues. Elle nous expliquera ce que cela veut dire. Et elle a publié avec d'autres, donc, aux éditions Divergence, Les chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937, et L'anarchisme devint espagnol. C'était cette année. Et enfin, Édouard Vintraud sera avec nous. Il est auteur chez Deloël des anarchistes espagnols 1868, toujours la même date, 1981. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros. Estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Arriba, parias de la tierra, empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Voilà, je disais que nous allions commencer par la fin d'une certaine façon. Pour ceux qui l'ont vu, ce film, ils reconnaîtront sûrement le Land and Freedom, Tierra y Libertad de Ken Loach, donc un film tourné et diffusé en 1995 et qui a donné d'une certaine façon une certaine vision de ce qu'avait été la guerre d'Espagne et de la participation à cette guerre d'Espagne de différentes composantes du mouvement ouvrier, en particulier des anarchistes. Nous allons en parler donc dans cette émission. Nous allons surtout revenir à la naissance de ce mouvement avec vous, Séverine Yattard. Bonjour. Avec Daniel Königsberg, bonjour, qui nous donnera la lecture de certains textes justement qui évoquent ce début et ce développement du mouvement anarchiste en Espagne. Et Édouard Vintraub, c'est vrai que ce film a servi pour beaucoup de gens d'une sorte de vade-mecum de ce qui s'était passé entre les différents mouvements révolutionnaires pendant la guerre d'Espagne en Espagne. Alors, on peut dire deux choses par rapport à ce film. La première, c'est qu'en effet, ça a redonné une certaine, légitimité à une mémoire qui avait été quand même pas mal arasée, puisque ne restait sur la guerre d'Espagne, grosso modo, que l'affrontement entre républicains et fascistes. Et on avait oublié qu'il y avait eu aussi une révolution, en tout cas un début de révolution qui s'était manifesté avec l'échec du soulèvement militaire. La deuxième chose, c'est que quand même, il y a aussi Ken Loach fait partie d'un camp quand même. Ouais. Et disons grosso modo que le POUM a ses faveurs et qu'il annexe un petit peu... Donc le POUM avec une tradition antistalinienne, effectivement, mais tout de même marxiste. Même marxiste, exactement. Et donc il annexe un petit peu au POUM des débats qui ont eu lieu, en effet, sur la collectivisation, par exemple, en Aragon... à l'intérieur avant tout de la Confédération nationale du travail, c'est-à-dire la CNT. Voilà, cette CNT qui naît en 1910, on y viendra dans cette émission, mais nous allons remonter un peu plus loin. Alors, je notais effectivement, Myrtille Gonzalbo, que vos deux livres, celui d'Edward Weintraub et celui que vous avez coordonné en tant que gyménologue, il faut d'ailleurs nous expliquer ce que vous appelez être gyménologue aujourd'hui aux éditions Divergence, avaient pour date de départ de cet anarchisme ou de ce communisme libertaire en Espagne, 1868. Est-ce une bonne date? Parce que vous expliquez aussi dans ce livre combien il y a des prémices à cet anarchisme espagnol qui remonte un peu plus loin dans l'histoire de l'Espagne et de la Catalogne, Myrtille Gonzalbo. Oui, bon, gyménologue, c'est un peu une petite blague qu'on s'est faite entre amis, parce qu'on a commencé notre petite entreprise en publiant les récits d'Antoine Jiménez. C'est un nom d'emprunt d'un volontaire anarchiste italien qui s'est engagé dans la colonne Dorothy sur le front d'Aragon. Mm-hmm. Et on voulait publier il y a 12 ans, on a voulu publier ses souvenirs de la guerre d'Espagne. Ça a été publié à l'Insomniac et nous avons fait une deuxième édition chez Libertalia il y a un an. Et à partir de là, on s'est rendu compte de la richesse historique de tout ce qu'a raconté ce protagoniste. Et nous avons fait dans les deux volumes que Libertalia a publié, le récit d'Antoine Jiménez fait 300 pages et notre appareil critique, notre appareil de notes en fait 700. Voilà, c'est pour dire que il y a de quoi raconter. Qu'on a été un peu débordé par ce qu'on a trouvé dans les archives, dans les centres de documentation. On a profité d'un petit réseau aussi de d'amis historiens amateurs comme nous, dans le milieu libertaire et au-delà, avec Marianne Henkel et bien d'autres. Nous en avons France, reçu lundi, Marianne Henkel. Voilà, et nous avons mis, surtout profité d'une mise en commun des données qui est très importante pour... Mais je vous pose une question, outre la gyménologie donc, que vous avez inventée en créant ce petit groupe, pourquoi 1868 et faut-il revenir avant 1868 pour parler de ces racines de l'anarchisme espagnol? Oui, on peut revenir largement avant. En fait, les idées et pratiques anarchistes ont parfaitement convenu à des classes populaires très très remontées contre un état social très de une vie de misère et de persécution constante. Les classes populaires d'Espagne étaient en gros coincées entre des vieilles classes possédantes, propriétaires terriens, églises et la nouvelle bourgeoisie, le nouveau capitalisme qui se mettait en place, mais très très lentement, vers le début du 19e siècle. Donc il y a eu des révoltes très très puissantes des populations rurales et urbaines contre la mise en place des premières manufactures et des conditions de travail. Et dans les campagnes, les ouvriers agricoles, les journaliers, notamment en Andalousie, se révoltaient contre les conditions d'existence qu'on leur faisait. Ouais. Donc 1835, 1840, 1855, 1800, quasiment tous les 2-3 ans, il y a des révoltes très fortes en Espagne. Donc c'est une population qui est déjà foncièrement anticléricale, anti-étatique et anticapitaliste. Et là, les idées, les pratiques anarchistes vont se retrouver peu comme chez elle, en Espagne, donc dès avant l'arrivée de Fanelli. Voilà, mais il y a l'arrivée de Fanelli, et c'est en 1868. Qui est ce Fanelli, Giuseppe Fanelli, qui arrive en 1868 à Barcelone, et qui va mettre un peu en ordre, pourrait-on dire, si on peut parler d'ordre, cet anarchisme un peu diffus qui existe déjà en Espagne, selon Myrtille Gonzalbo? Ben, c'est un ancien compagnon de Garibaldi qui est devenu bakouniniste. Et Bakounine a vu l'opportunité en Espagne, non seulement parce que, comme le dit Myrtille Gonzalbo, il y a un peuple qui est prêt pour ça, mais aussi il y a une révolution qui est en cours depuis septembre 1868. Et donc ça bouge beaucoup en Espagne. Et puis... c'est de notoriété. On a déposé la reine, donc, en l'occurrence. Voilà, Isabelle II. La monarchie. La monarchie est en suspens. On peut dire que ça, puisqu'elle va revenir assez vite. Mais enfin, il y a 6 ans où il va y avoir beaucoup de choses. Et c'est donc, il y a une opportunité. Et il y a aussi le fait que c'est de notoriété quand même, qu'il y a des sociétés ouvrières en Catalogne, qu'il y a des coopérativismes, il y a des révoltes paysannes en Andalousie. Donc il se passe beaucoup de choses et il y a, disons, un vent favorable en Espagne. Portrait de ce Fanelli en 1913 par Anselmo Lorenzo, un texte qui nous est lu par Daniel Königsberg. Fanelli était grand. Il avait l'air bon et sérieux, portait une épaisse barbe brune et ses grands yeux noirs expressifs lançaient des éclairs où reflétait la plus grande commisération selon les sentiments qu'il animait. Sa voix, qui avait une sonorité métallique, était capable de prendre toutes les inflexions qui convenaient à son propos, passant rapidement de la colère et de la menace quand il fulminait contre les tyrans et les oppresseurs, aux accents de pitié, du regret, de la consolation, pour évoquer les souffrances des opprimés, soit qu'il les comprît sans les avoir subies, soit qu'en véritable altruiste, il prit plaisir à présenter un idéal ultra-révolutionnaire de paix et de fraternité. Il parlait en français et en italien, mais nous comprenions sa mimique expressive et nous suivions son exposé. Donc cette arrivée de Fanelli en 1868, il faut dire qu'elle est juste après aussi le congrès de l'AIT à Genève, hein, de 1866. Et évidemment, les courants commencent à se dessiner, hein, dans cette AIT, entre les bakouninistes et les marxistes, les autoritaires, les anti-autoritaires. Et là, on sent que Bakounine envoie Fanelli, l'AIT va envoyer la Fargue quelque part. Il faut aussi les deux voix, d'une certaine manière, du mouvement ouvrier commencent aussi à se dessiner. Et l'Espagne, qui sans doute a dû envoyer des représentants au congrès de l'AIT, va ainsi définir son propre courant. Et alors, Weintraub, est-ce que ça va... Alors, ça va cheminer tout au long de la fin du 19e, évidemment, cette problématique de bakouniniste ou... Marxiste. Ou marxiste. En tout cas, le courant dominant très vite, ça va être le courant, entre guillemets, bakouniniste, parce que dire bakouniniste, c'est un peu compliqué. Ils ont en effet... adhérer à un texte qui n'est pas celui de l'international, mais qui est celui de l'Alliance, donc bakouniniste. Mais il est, d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'ils ont dévoré Bakounine. C'est des lecteurs de Proudhon au départ. Puis après, ils vont en effet un petit peu s'ouvrir sur la nouvelle modernité, c'est-à-dire Bakounine. Mais ça n'a jamais été un mouvement théorique. C'est vraiment lié à la vie, à la réalité. D'ailleurs, c'est un mouvement extraordinairement ouvrier et ouvriériste. L'anarchisme dès le départ, même s'il y a c'est des typographes, des tonneliers, des cordonniers, et puis bon, avec qui prône le fédéralisme assez rapidement. Alors oui, parce que ça, c'est dû aussi à la situation historique de l'Espagne elle-même. D'ailleurs, il y a eu une carte, je crois, c'est Gérald Brennan qui avait mis dans son livre une carte entre les partisans du fédéralisme au 19e siècle et le développement de l'anarchisme et de l'anarcho-syndicalisme à la fin du 19e et au 20e siècle, et les cartes correspondent à peu près. C'est-à-dire, en gros, la Catalogne et l'Andalousie, par exemple, n'ont jamais supporté Madrid. Et le poids de l'État espagnol. Oui, alors, ce qui est extrêmement intéressant, Joël Delhomme, vous n'êtes pas encore intervenu, c'est de voir que se dessinent, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, des lignes de fracture, qui seront des lignes de fracture qui trouveront, évidemment, une expression extrêmement violente pendant la guerre d'Espagne, entre les tenants d'un certain marxisme, et en particulier des staliniens, et puis les anarchistes ou les trotskistes, mais en particulier les anarchistes, et qu'il y a là, dès le début, des 1868-1870, des tensions, pourrait-on dire, dans ce mouvement ouvrier qui se déclenche et qui se développe en Espagne. Par exemple, entre certaines régions plus urbaines et d'autres régions plus rurales, entre un certain type d'anarchisme rural et un certain type d'anarchisme qui peut se développer dans des villes industrialisées comme ou en cours d'industrialisation comme Barcelone, Joël Delhomme. Oui, c'est pour revenir un peu sur le point précédent. En même temps, c'est important de signaler, de bien inscrire en fait l'anarchisme qui est un peu trop souvent considéré comme un greffon exogène dans l'histoire des idées et dans l'histoire sociale en Espagne, parce que il est aussi l'héritage du socialisme utopique. Le cabétisme, par exemple, était important à Barcelone, le fourriérisme, et surtout aussi du républicanisme fédéraliste. Il ne faut pas oublier que le principal théoricien du républicanisme fédéraliste, Pi i Margall, avait traduit Proudhon, donc la diffusion de Proudhon était très importante. Alors c'est vrai que la réception de toutes ces idées, la présence du fédéralisme républicain était très importante dans les milieux urbains et les milieux ouvriers, et dès les années 1850, on a une organisation, une structuration du mouvement ouvrier qui commence. Et dans les régions plus rurales, en Andalousie, comme on l'a dit précédemment, ça correspond aussi à des attentes et à des situations sociales qui sont particulièrement dures, et des répressions très sévères qui datent déjà depuis les siècles précédents, qui ont été aggravées en particulier par les ventes des biens de main morte, par les politiques libérales. Et donc là, il y a un terreau, il y a des possibilités de réception en fait de cette pensée anarchiste qui sont très très très importantes. Séverine Yatta. En tout état de cause, ce mouvement va se former, se constituer. Donc il y a un fameux congrès où là, cette fois, justement, ces coopératives ouvrières, ces mouvements vont tenter de se rassembler aussi à l'exemple de l'AIT, c'est-à-dire à se solidariser et à créer un réseau. Et donc, on est en juin 1870, et juste à titre indicatif, le mouvement peut se targuer de 40 000 travailleurs. Donc, pour donner un peu une idée de l'ampleur, justement, l'ampleur. 40 000, après on passera à 300 000, 800 000, mais pour l'instant, voilà. En Espagne, Édouard Weintraub... Avec un nom quand même qui est assez intéressant, puisque dès le départ, ce n'est pas un parti, ce n'est pas un syndicat au sens syndicat, c'est une fédération. Voilà. Fédération régionale en plus. Voilà. Oui, voilà. Régionale, ça veut dire qu'en fait, elle se considère comme une région de l'international, d'une certaine façon. Exactement, et je pense que ça a toujours... Le fédéralisme à l'intérieur du mouvement anarchiste espagnol a toujours été extrêmement fort. Je relisais l'écho des pas de l'écolège Passos de Garcia Oliver. Il y a tout un moment, un développement sur comment est prise vraiment la décision à la CNT. On passe toujours par l'échelon le plus bas possible, c'est-à-dire, alors à l'époque, c'était la fédération catalane, la fédération du Nord, etc. Mais toujours, on passe par là. Alors, il faut dire, on est en 1870, qu'un événement va compter beaucoup dans cet anarchisme espagnol. C'est la Commune de Paris, très curieusement, parce que le regard porté Mirtil Gonzalvo sur la Commune de Paris va jouer énormément pour tous ceux qui la voient de loin, d'une certaine façon, et va en particulier permettre à certains un durcissement de leur position, avec le manifeste envoyé par quelques partisans de la Commune à tous les pouvoirs de la Terre, qui dit: entre vous et nous, il ne peut y avoir aucun arrangement, un abîme de sang, un abîme de crime, une montagne inaccessible d'intolérance nous sépare. C'est vous qui l'avez voulu, c'est vous qui l'avez dit, c'est vous enfin qui l'avez fait. Guerre à mort, dit ce manifeste en 1871. Donc on voit bien qu'effectivement, au moment de la Commune, il y a un durcissement des positions, Mirtil Gonzalvo. Mais pas immédiatement, il faut préciser, peut-être aussi, Mirtil Gonzalvo. Oui, c'est-à-dire qu'au début, les représentants de l'international en Espagne regardaient la Commune un peu de loin, de ce qui se passait à Paris d'un peu de loin. Ils pensaient que ça allait être un mouvement comme en 1848, où la politique allait se mêler un peu de la question sociale et tout emporter. Donc là, ils commencent à se rendre compte de ce qui se passe quand les communards abattent la colonne Vendôme, qui était érigée en l'honneur de Napoléon. Et comme Napoléon n'avait pas très bonne presse en Espagne depuis les horreurs qu'il avait commises au début du XIXe siècle, ils commencent à trouver un intérêt de plus en plus marqué pour l'action des communards. Et quand la répression commence et les massacres de masse commencent à Paris contre les classes populaires, alors là, la FRE rédige le communiqué que vous avez lu. Oui, et tout de même, cette FRE ose faire un meeting de soutien aux communards un dos des maillots, un 2 mai, d'après ce que j'ai cru comprendre, à Barcelone, on fait un meeting de soutien aux communards, alors que le 2 mai est justement une fête anti-française, pourrait-on dire, dans ce 19e siècle, pour rappeler effectivement les massacres commis par les troupes de Napoléon en Espagne. Tout à fait. Et pour continuer ce que vous disiez auparavant, la méfiance vis-à-vis de la politique de la bourgeoisie va se renforcer et de tout ce qui pouvait être allié à une révolution bourgeoise en cours, c'est-à-dire la politique fondamentalement et le libéralisme commence à être considéré de manière très très claire et très radicale par les révolutionnaires espagnols. Mmh. En 1873, par exemple, lors de la mise en place de la première république espagnole, il faut le signaler, il y a une grande révolte d'ouvriers de la papeterie à Alcoy. 10 000 ouvriers, dites-vous, hein, c'est ça ? Voilà, 10 000 ouvriers qui se mettent en grève. Et les grèves, à cette époque-là, c'est des grèves insurrectionnelles. Ce n'est pas des grèves pour améliorer deux, trois aspects de l'existence. C'est une grève pour en finir avec une société capitaliste qui est en train de s'installer et dont ils ne veulent absolument pas. Et ils vont lyncher le maire républicain de la ville, hein, c'est ça ? Ben, le maire républicain était un internationaliste qui change de bord en pleine bagarre et qui organise la répression à Alcoy. Donc le soulèvement populaire est immense et le maire est lynché, il y a des bagarres terribles. L'État madrilène intervient en disant oui, on va arranger les choses. Et en fait, quand la grève, le mouvement se calme, la répression s'abat. Et la répression à cette époque-là, c'est des tortures, c'est des déportations dans les îles. Les colonies espagnoles, c'est des gens qui sont empêchés de travailler, des familles entières qui sont obligées de partir. Enfin bref, la République, en Espagne, ils ont su assez vite en quoi cela consistait. Et tous les républicains, les fédéralistes qui avaient Pi y Margall et compagnie, qui avaient semblé s'allier aux internationalistes, en fait n'avaient aucun programme social et n'avaient pas l'intention d'empêcher le capitalisme de s'installer en Espagne. Alors nous sommes en 1873, vous l'avez dit, Mirti Gonzalbo, et tout de suite après cette répression qui s'abat sur les mouvements de la Fédération régionale espagnole, donc très marquée par l'anarchisme, en novembre 1873, eh bien, la FRE fait une déclaration. Cette conduite des persécuteurs nous pousse, pour le malheur de l'humanité, à une situation d'horrible représailles où la parole se tait, la plume devient muette et les fonctions de la raison cessent. Serait-ce par hasard impossible que l'ouvrier en arrive à penser qu'il devrait et pourrait se faire respecter par lui-même ? Déclaration de la FRE en juin 1874. Le Congrès se déclare solidaire de tous les actes révolutionnaires réalisés par les internationaux de la région espagnole. Il envoie une étreinte fraternelle à tous les ouvriers des divers pays qui subissent la persécution de la bourgeoisie infâme. Il reconnaît comme un devoir l'exercice des représailles aussi longtemps que les travailleurs seront traités comme des bêtes fauves et qu'on leur déniera leurs droits. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. h30 sur France Culture, une émission qui prend place dans une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des anarchismes. Et aujourd'hui, nous traitons de la naissance et du développement de l'anarchie en Espagne. Alors, on l'a compris, les représailles, qu'est-ce que ça signifie quand on sait qu'il y a eu tout le temps, depuis les années 1850, Edouard Weintraub, il y a eu des allers-retours de libéralisation, puis ensuite de répression de la part du pouvoir espagnol vis-à-vis du mouvement ouvrier. C'est une situation qui est extrêmement violente. On a oublié une chose, c'est qu'il y a aussi une guerre dans le nord avec les carlistes. Donc il y a réellement la mort, quoi. Il y a réellement une lutte à mort en Espagne, en tout cas jusqu'en 39, elle va avec des moments hauts et des moments bas, elle va exister. Mais avec une particularité, c'est que il y a de temps en temps des alliances assez rarement avec des républicains et d'autres, la plupart du temps, des oppositions à ce républicanisme. C'est-à-dire que la question du centralisme de l'État, c'est-à-dire qu'il soit monarchique ou républicain, cela importe peu pour une partie de la classe ouvrière, en particulier de ces anarchistes, qui considèrent que c'est l'État, et donc à partir de ce moment-là, ça n'est pas le système qu'ils souhaitent. Ben, si on fait une topologie des républicanismes, la plupart des républicanismes sont déjà centralistes et madrilènes, que ce soit les socialistes, d'ailleurs, donc marxistes, jusqu'aux républicains modérés, ils sont tous, donc, par essence, complètement... il y a un rejet immédiat de la part des gens qui se battent en Catalogne ou en Andalousie. Séverine Yatta. Parce qu'il faut revenir peut-être aussi sur les luttes, les conflits internationaux au sein de l'AIT, enfin voilà, par rapport à ce qui se passe à ce moment-là en Espagne, parce que on a parlé là de la révolte d'Alcoy qui va être quand même plus ou moins soutenue par la FRE, mais qui en revanche va être complètement stipendiée par exemple par l'AIT, notamment par Engels, hein, qui va estimer que c'est vraiment du bakouniniste à l'œuvre, et qui l'AIT elle-même envoie ses correspondants, et on pourra revenir sur l'importance aussi des exilés de la Commune, hein, qui vont venir en Espagne. Alors là, c'est pas, en l'occurrence pour la FARC, c'est pas le cas, pour ficher, enfin pour certaine manière dénoncer ce qui se passe en Espagne. Je sais pas, peut-être Joël Delhomme. Oui, il ne faut pas réduire le mouvement cantonaliste donc qui se dresse au moment de la proclamation de la Première République. Qui prend au pied de la lettre, en fait, les théories de Pi Margall sur le fédéralisme, avec une intervention de l'AIT. C'est un petit peu comme dans la Commune de Paris. Il y a des internationalistes, mais le mouvement ne peut pas être réduit à cela. Donc à Carthagène, à Alcoy, on a des internationalistes, mais sinon, il y a un mouvement populaire d'insurrectionnels qui cherche le fédéralisme. Ce qui est important, c'est de voir que, à partir de la Commune de Paris, le mouvement ouvrier prend réellement son autonomie du républicanisme, qui avait eu la prétention, en fait, de parler au nom des classes populaires depuis le milieu du XIXe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc cette répression qui s'abat sur la Fédération régionale espagnole, qui va être interdite et qui va passer dans la clandestinité à partir de 1873, va provoquer finalement une radicalisation. Et chaque fois dans le mouvement ouvrier espagnol que l'action collective sera entravée, que les organisations seront déclarées illégales, il y aura une tentation, du radicalisme, un repli vers l'action individualiste et vers des actions beaucoup plus radicales. Oui, mais on ne peut pas tout de même passer totalement sous silence justement cette intervention de Paul Lafargue, donc au nom de l'Association internationale des travailleurs et venant de Londres, justement du Conseil de Londres, qui Conseil général qui dirige l'Association internationale des travailleurs, qui va quand même aller jusqu'à dénoncer dans un journal des militants, donner leur nom, qui seront ensuite arrêtés en 1872 et qui vont être aussi les prémices de ce qu'on a raconté tout à l'heure, à savoir cette insurrection ouvrière, répression des ouvriers, etc., et mise en clandestinité de la Fédération régionale espagnole, Édouard Vintrop. Oui, on est quand même assez confondu devant ce fait, c'est-à-dire donc Paul Lafargue, un dénonce des dirigeants. Il dénonce des traîtres à l'international, tout de même. Exactement, et il le fait dans la presse, et donc c'est pour la police espagnol, c'est un béni, ils ont les noms de tous les dirigeants anarchistes. Bon, voilà, c'est un visage du marxisme qui mériterait d'être mieux connu, parce que Lafargue est aussi l'auteur d'un livre formidable qui est Le droit à la paresse. C'était le gendre de Karl Marx, donc c'était vraiment pas n'importe qui. Ça explique aussi peut-être de façon très profonde. Moi, j'ai découvert cette histoire en vous lisant tous les dissensions plus tardives qu'il y aura entre marxistes et anarchistes qui courront tout au long de la fin du 19e et ensuite au 20e siècle jusqu'à la guerre d'Espagne tout de même. Oui, elles ont des racines qui sont même antérieures. Bakounine, quand on a commencé à parler de socialisme scientifique, a bien montré dans un texte contraste à quel point le socialisme scientifique, c'était déjà la séparation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mmh. et donc la possibilité demain d'une dictature. Dès le début, le bakouninisme, l'anarchisme est une critique en acte et en pensée de toutes les possibilités de déviation du marxisme. Alors, tout de même, il faut peut-être insister aussi sur ces particularités d'un anarchisme espagnol qui insiste beaucoup sur l'échelon local, sur le communalisme. Comment l'expliquer ? Est-ce que, par exemple, l'influence venant du Jura, de Kropotkin, mais aussi peut-être de James Guillaume ou d'autres, etc., cette influence a quelque chose à voir avec le développement de cette idée que la commune serait le bon échelon pour pouvoir diriger, débattre, prendre des décisions. Est-ce qu'on peut dire cela, Joël Delhomme et puis Myrtille Gonzalbo ? Joël Delhomme ou Myrtille Gonzalbo, allez-y. Allez-y. Oui, mais cette thématique de la commune, elle vient surtout en fait des anciens communards, pour le coup, Élisée Reclus, François du Martoret, Carlo Cafiero en Italie, Malatesta et bien d'autres. Ce sont eux qui vont proposer de modifier, d'aborder autrement le projet révolutionnaire qui pourrait survenir quand on aura aboli l'État et le capitalisme. Avant, il y avait justement James Guillaume et les premiers internationalistes anti-autoritaires avaient un projet collectiviste, c'est-à-dire qu'on s'appropriait tous les moyens de production. Et on procède à un travail, on organise la production à partir des sociétés ouvrières, mais on ne répartit pas la production en fonction collectivement. On va faire en sorte que chacun reçoive toujours le produit intégral de son travail. Et ça, les communards et leurs amis vont estimer que ça ne peut pas faire. Il faut collectiviser tout ce que les hommes vont produire collectivement. Et donc, il faut abolir toute forme de salariat si on veut vraiment en finir avec le capitalisme. Donc, ces gens-là proposent ce qu'on appelle le communisme anarchiste. Et là, paradoxalement, par rapport à ce qu'on disait avant, c'est le projet communiste qui va être repris par les anarchistes, c'est-à-dire abolition du salariat et répartition complète de tout ce qui produit, toutes les richesses produites. C'est pour ça qu'ils vont s'appeler communistes anarchistes aux grandes dames des collectivistes. Joël Delhomme. Oui, il faut aussi là encore inscrire dans la tradition historique espagnole où le communalisme est déjà important. Et toute la politique libérale de la seconde moitié du XIXe siècle va être tiraillée entre le centralisme des conservateurs et le centralisme des libéraux fédéralisme des libéraux progressistes. Donc la dimension locale, redonner du pouvoir à la dimension locale par rapport au centre, est une thématique très importante. Alors, il y a aussi un point très particulier sur lequel on peut insister, c'est la question des femmes, la place des femmes dans cet anarchisme espagnol dès ces années 1870, une résolution sur l'émancipation de la femme de tout travail non domestique au congrès de la Fédération régionale espagnole de la FRE AIT, c'est en avril 1872, Daniel Königsberg. Ceux qui veulent émanciper la femme du travail pour qu'elle se consacre exclusivement au foyer domestique, aux soins de la famille, supposent que c'est là sa mission unique pour laquelle ils affirment qu'elle a des facultés spéciales qui sont contrariées lorsqu'on la retire de ce qu'ils appellent son centre. Ceux qui affirment cela supposent que la constitution actuelle de la famille est impérissable et c'est là le fondement principal de leur opinion. Mais les faits suivent une logique sévère indépendante de tout sentimentalisme et de toute préoccupation. Et comme les conditions économiques des sociétés varient, surtout les formes de la propriété, les institutions sociales varient aussi. La femme est un être libre et intelligent, et par conséquent responsable de ses actes, tout comme l'homme. S'il en est donc ainsi, il est nécessaire de la mettre dans les conditions de la liberté pour qu'elle se débrouille en fonction de ses facultés. Cela dit, reléguer la femme exclusivement aux tâches domestiques, c'est la soumettre, comme jusqu'à présent, à la dépendance de l'homme et donc lui ôter sa liberté. Quel est le moyen de mettre la femme dans les conditions de la liberté ? Il n'y en a pas d'autre que le travail. Mais on dira, le travail de la femme est la source de grande immoralité. Il cause la dégénérescence de la race et perturbe les relations entre le capital et le travail au détriment des travailleurs, du fait de la concurrence que leur font les femmes. À cela, nous répondons, la cause de ces maux ne se trouve pas dans le travail de la femme, mais dans le monopole qu'exerce la classe exploiteuse. Transformez la propriété individuelle en propriété collective, et vous verrez comme tout change complètement. En attendant, nous croyons que notre travail au sujet de la femme est de la faire entrer dans le mouvement ouvrier afin qu'elle contribue à l'œuvre commune, au triomphe de notre cause, à l'émancipation du prolétariat. Parce que, de même que face à l'exploitation, il n'y a pas de différence de sexe, il ne doit pas non plus y en avoir face à la justice. Et le sourire de Séverine Yattard en face de moi en dit long sur ce texte qu'elle a choisi, donc d'avril 1872 de la Fédération régionale espagnole. Que Joël Delhomme m'a transmis, m'a conseillé, parce qu'évidemment, cette problématique du rôle des femmes dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement anarchiste est récurrent. Et puis phénomène, à ce moment-là, cette déclaration extrêmement encourageante. Et Joël Delhomme est révolutionnaire, parce que dans les faits, évidemment. Les femmes dans le mouvement anarchiste ne vont pas pouvoir, évidemment, avoir le rôle qui est prescrit ici. Joël Delhomme. Oui, une déclaration d'autant plus surprenante qu'elle est adoptée sans discussion, c'est à l'unanimité, alors que le thème qui avait été mis à l'ordre du jour du Congrès, c'était l'émancipation de la femme de tout travail non domestique. Et le congrès précédent, de 1870, avait vu se dégager, même s'il n'y avait pas eu de résolution adoptée, avait vu des discours qui tendaient à l'exclusion de la femme, en fait, dans la droite ligne du congrès de Genève de l'AIT de 1866. Il faut dire malgré tout qu'il y a des contradictions. Donc, on a un discours théorique de l'anarchisme en Espagne comme ailleurs qui prône l'égalité des sexes et qui prône l'émancipation de la femme. Et en même temps, on a un mouvement ouvrier qui est quand même très réticent. Aller voir entrer dans le marché du travail. De la femme. Ouais. Voilà. Du fait d'une concurrence économique, des idées proudhonistes qui toujours sont présentes. Hein. Le rôle de la femme doit être domestique. Qui sont les idées dominantes, les idées de la bourgeoisie aussi, qui sont partagées par le mouvement ouvrier globalement. Donc lorsqu'on a des déclarations comme en 1872 ou encore en 1910, lors de la création de la CNT, Confédération Nationale du Travail, on a souvent, on a l'impression que c'est des déclarations qui sont portées par finalement une minorité de militants et que le mouvement ouvrier, un peu dans son ensemble, la base a du mal à accepter. Et on a parfois des reculs qui viennent juste après. Oui, en 1911, par exemple, le deuxième congrès, ou le premier congrès de la CNT, va revenir un peu en arrière par rapport à la déclaration de 1910, par exemple. Édouard Weintraub, sur cette question-là, il y a tout de même, à la fin des années 1880, en particulier à Barcelone, création de groupes féministes anarchistes, qui sont quelques-uns, et donc avec une particularité. Il y a surtout une formidable militante qui s'appelle Teresa Claramunt, qui a la particularité d'être une ouvrière de l'industrie, donc l'industrie textile, et ce qui est quand même, donc elle est dans un secteur moderne, déjà de l'industrie barcelonaise, et elle va se battre très franchement et avec des idées extrêmement claires, notamment même sur la conception générale de l'histoire, c'est-à-dire en gros à partir du machisme, on a des conceptions historiques qui sont erronées. C'est-à-dire les valeurs masculines, même si elle ne le dit pas comme ça, c'est quand même vraiment dans ses textes extrêmement présents, se amènent à des erreurs et à des conflits qui ne devraient pas exister. Sur ce point, Myrtille Gonzalbo. Oui, parce que pour compléter ce que je disais avant, ceux qui vont introduire en Espagne, après moult débats et polémiques par la presse libertaire interposée, ce sont les groupes anarchistes, les groupes d'affinité anarchiste qui vont surgir, notamment en Catalogne, en Andalousie, toujours dans le cadre de la FRE, mais en critique, en position critique. Et ces groupes anarchistes qui vont se déployer comportent énormément de femmes et de jeunes hommes et de jeunes femmes, et surtout dans les quartiers populaires de Barcelone. C'est là qu'on voit, on commence à voir l'engagement des femmes hors du lieu de travail. Hein. Là, on n'est pas question de savoir si c'était les ouvrières ou pas. La plupart du temps, elles l'étaient. Mais elles s'engagent dans des actions de rue, de quartier, dans les grèves de loyers, dans les manifestations, dans l'aide aux prisonniers, dans la distribution de la presse libertaire. Voilà, elles vont jouer un rôle extrêmement important, de la même manière que ces groupes anarchistes qui surgissent dans les années 1890 sont un pendant de l'action syndicale anarcho-syndicaliste dans les usines et de la CNT. Alors, tout de même, il nous reste une dizaine de minutes, non pas pour aller jusqu'à la guerre d'Espagne, on n'aura pas le temps, mais pour aller jusqu'à la création peut-être de la CNT en 1900. Il faut insister peut-être sur un ou deux points très importants pour que nos éditeurs soient éclairés sur ce moment-là des années 1890-90. D'abord, une répression très grande, la création dont on ne sait pas trop qui l'a créé, d'un groupe qui s'appelait La Mano Negra, qui rappellera quelque chose à ceux qui écoutent de la musique depuis les années 80. Ce groupe de La Mano Negra qui apparaît en 1882 et qui est accusé d'avoir pratiqué des attentats. Et ce groupe qui sera ensuite contesté à l'intérieur même de la Fédération régionale espagnole, avec des maximalistes et d'autres qui sont plus modérés, jusqu'à ce qu'il y ait des anarchistes de Rerez qui soient exécutés en 1884, et que, d'une certaine façon, ça laisse un peu de marbre les gens de la Fédération du côté de Barcelone et de Harventrop. Ça, c'est une histoire qu'il faut raconter un tout petit peu. L'histoire, en fait, c'est celle de l'hésitation, enfin pas l'hésitation, il y a une période qui va devenir une période donc de répression d'un côté et d'attentats de l'autre, donc une période terroriste, et qui va déboucher en définitive sur une réflexion, et ça c'est comme en France à peu près, hein, même si c'est d'une intensité peut-être différente, sur la réflexion de comment dépasser ce moment qui est en fait... ça aboutit à un mur, surtout que les attentats, certains sont faits vraiment par des anarchistes en réaction en général à des répressions, mais il y en a d'autres, comme l'attentat de la Calle Comvisnaus à Barcelone en 1897, on a quand même très nettement l'impression que c'est complètement téléguidé par la police. Donc après, il va commencer à y avoir une réflexion sur... comment dépasser ce moment-là, et le dépassement du moment terroriste, eh ben, c'est le moment syndicaliste. Et puis alors, politiquement, en tous les cas, dans cette partition espagnole, il faut parler évidemment de la création du PSOE, hein, du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, donc en 1879, et de son syndicat, l'UGT, qui vient d'une certaine manière aussi faire concurrence, hein, donc le socialisme démocratique, qui peut venir faire concurrence en tous les cas à la FRE. Et là, du coup, les anarchistes, ils doivent se positionner, ils vont accentuer, hein, évidemment, leur conviction révolutionnaire. Oui. Je ne sais pas si Joël Delhomme ou... Joël Delhomme et Myrtille Gonzalvo. Joël Delhomme. Oui, faut malgré tout insister sur le fait que les socialistes, les marxistes restent très minoritaires, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, dans le mouvement, donc, et notamment dans les... Et c'est une particularité espagnole, En Catalogne, ils sont quasiment absents aussi en Andalousie. Donc très concentré sur la capitale, Madrid, et puis un petit peu dans le nord, nord-ouest de l'Espagne, essentiellement. Donc l'UGT même ne sera réellement une force syndicale considérable que au milieu de la décennie 1910, pas avant. Myrtille Gonzalvo, sur ces tensions et sur ces divisions, pourrait-on dire aussi, sur la question de la propagande par le fait, la nécessité ou non de passer aux attentats, etc., qui est une question qui s'est posée aussi dans d'autres pays d'Europe dans les années 1890, mais qui a pris un tour très particulier dans les années 1890 en Espagne et en Catalogne. Oui, juste une petite citation à propos de la concurrence avec les socialistes. Dans une circulaire du bulletin socialiste international qui est paru en 1910, une circulaire interne, il est dit « En aidant les socialistes de Catalogne, vous contribuerez à éteindre l'un des plus grands et des plus anciens foyers de l'anarchie en Europe ». Donc ça vous donne une idée des stratégies déployées au moment de la naissance de la CNT. Et sinon, pour revenir à ce que vous disiez, vu qu'en Espagne, comme ailleurs, mais là, de manière très très concentrée en Espagne, l'État et sa presse ramenaient en permanence la question sociale à un problème d'ordre public, elle procéda à la criminalisation de toutes les révoltes organisées dans ce pays, que ce soit en Catalogne, notamment en Catalogne, en Andalousie. Et le phénomène de la mano negra, je pense que c'est une illustration complète de ça. C'est-à-dire, il y existait des groupes, effectivement, on a vu le texte. Ce qu'on a appelé plus tard, dans d'autres endroits, la stratégie de l'attention, c'est ce que vous voulez dire? Non. Là, c'est plus pour parler au niveau du cycle des représailles que la FRE a accepté d'enclencher tout en le regrettant. C'est pour ça que ce texte est très, très important. Hein. On nous oblige à exercer de la violence. C'est ça qui est dit dans ce texte-là. Mmh. Et c'est ça, c'est un grand malheur. C'est ressenti comme un grand malheur. Donc, quand la mano negra, ça fait allusion à des groupes clandestins que la FRE a protégés, a encouragés, puisque dans la clandestinité, on ne pouvait pas faire autrement que de se regrouper, de faire des petites actions le soir. En tout cas, on ne pouvait plus se déployer à visage découvert, on ne pouvait plus manifester. Donc, ces petits groupes-là ont été, qui existaient. L'État a décidé de prendre 2-3 crimes crapuleux qui n'étaient pas réglés en disant c'est des gens de la mano negra qui l'ont fait, donc on criminalise le mouvement social. Il a enclenché à partir de là une répression féroce, des procès, etc. Toujours dirigés contre des anarchistes qui n'avaient rien à voir, la plupart du temps, avec tous les faits reprochés. Alors le dépassement. Et dans la période. Oui, voilà. Et dans la période de la propagande par le fait, là, comme dans le reste de l'Europe, mais effectivement aussi là-bas, de manière plus concentrée en Espagne, il y a un cycle d'attentats individuels, là, cette fois revendiqués, parce que les précédents, il y a eu déjà des attaques de personnes dans le mouvement ouvrier espagnol, mais personne ne revendiquait rien. Quand on tuait un ouvrier, il y avait effectivement des représailles, à certains moments des représailles, mais très peu, extrêmement peu. Dans le cycle des attentats individuels des années 1890, qui vont continuer jusqu'en 1806-07, là on se trouve devant des actes relevant de la propagande par le fait, des actes individuels revendiqués, la plupart des gens, des militants s'attaquaient à des personnalités de l'État, de la police, de la répression, le faisaient à visage découvert, se faisaient arrêter et exécuter. Et là, c'était chaque fois que, effectivement, l'État empêchait les classes populaires de manifester, de faire grève, de se déployer à visage découvert, il y avait une situation comme ça de repli sur les actes individuels. Alors Édouard Vintrop nous disait tout à l'heure, il faut savoir dépasser ce moment justement pour l'anarchisme espagnol. Eh bien, c'est les années 19. Vous avez dit que ça a duré ces attentats et ces propagandes par le fait jusqu'en 1907. Eh bien, ce sont les années 1910, avec en particulier la création de Solidaridad Obrera, qui deviendra très rapidement en 1910 la CNT. Une lecture d'un texte de Pablo Gil d'octobre 1910. Les anarchistes sont les plus à même à se mettre à la tête de ces noyaux ouvriers, non pour les diriger comme le font les autres, mais pour leur donner l'exemple de leur rébellion, pour aussi leur désigner les obstacles qu'il leur faudra surmonter. La lutte matérielle n'est que peu de choses. Ce qui est vraiment important et durable dans notre action, c'est le travail éducatif. C'est vers celui-ci que doivent confluer nos efforts. C'est ce à quoi servent principalement ces noyaux ouvriers. Et il est nécessaire que les maîtres soient désintéressés. Si nous élevons le niveau moral et intellectuel de l'ouvrier, nous aurons réalisé une œuvre grandiose. Le reste viendra alors sans effort. Un texte de 1910 de Pablo Gil, Édouard Vintrop, il y a cette dimension aussi d'éducation populaire qui existe depuis très longtemps dans les milieux ouvriers, et en particulier à Barcelone, dès le milieu du 19e siècle, et qui continue effectivement avec cette question de l'enseignement pour tous dans ce cadre du mouvement ouvrier et du syndicalisme. Oui, depuis le milieu du 19e siècle, la création des athénées populaires, des athénées ouvriers, des fomentos, etc. Sur le modèle des athénées bourgeois qui formaient les jeunes bourgeois aux valeurs de la bourgeoisie, eh bien, les militants ouvriers ont dit qu'il faut faire la même chose pour le peuple. Et il faut savoir que c'est un mouvement énorme. C'est-à-dire, en gros, l'anarchisme espagnol, c'est aussi un mouvement culturel d'éducation populaire à un niveau vraiment peu compréhensible si on ne se jette pas là-dedans. C'est-à-dire, en gros, il y a énormément de gens qui ont appris à lire, qui ont eu accès à Tolstoï, à Ibsen et à la littérature espagnole en passant par les athénées populaires. Autre athénée populaire qui est souvent méconnue, la prison. C'est-à-dire que les gens qui partent en prison, il y en a certains qui ont appris à lire en prison. Joan Peiro raconte que quand il est entré en prison la première fois, il était illettré. Quand il est sorti, il avait lu pas mal de littérature. Et Garcia Oliver, lui, raconte qu'il a lu presque toute la philosophie grecque en prison. En tous les cas, c'est cette idée que l'anarchiste mettra toujours en avant, que une classe ouvrière ne peut faire la révolution que si elle est éduquée, parce que il n'y a pas une intelligentsia qui doit par la suite diriger le mouvement, ce qui donnera la dictature du prolétariat évidemment après la révolution bolchevique. Et là, il y a une application effectivement en Espagne extrêmement importante de cette idée-là. Et on reviendra. Ben, si on regarde l'ensemble, si on fait un panorama des dirigeants anarchistes, 95% sont des ouvriers, des maçons, des vitriers, enfin des verriers, des cordonniers, des tonniers. Sur quoi a travaillé Et même Joël les Delon. Intellectuels comme Morales sont d'origine ouvrière. Bon, Federica Montseny, qui est la fille d'un ancien tonnelier devenu intellectuel. Mais ben, à part ça, à part Firmin Salvatierra en Andalousie, c'est presque tous des ouvriers et des ouvriers extrêmement... vraiment, qui veulent comprendre et donc veulent savoir. Avides de connaissances. Ouais. Merci à vous trois d'être venus nous parler. Donc, je rappelle, Joël Delhomme, que vous êtes spécialiste en particulier de ce syndicat, de cette particularité du travail, justement des cordonniers en Espagne dans ce mouvement anarchiste. Vous êtes maître de conférence à Bretagne Sud et chercheur à Rennes 2 au laboratoire et l'équipe de recherche interlangue, mémoire, identité, territoire. Myrtille Gonzalbo, vous appartenez à ce collectif d'historiens amateurs qui a publié très récemment Les chemins du communisme libertaire en Espagne aux éditions Divergence. Et Édouard Vintrop, vous avez publié, c'était il y a quelques années, mais très peu de temps, chez De Noël, Les anarchistes espagnols 1868-1981. Nous continuons avec vous demain, Séverine, pour un dernier volet de notre série sur les anarchistes. Mais nous allons nous intéresser à quoi ? Sur la notion d'internationalisme, de réseau et voire de complot, voilà. Évidemment. Y avait-il une internationale anarchiste ? Quelle était-elle ? Et y a-t-il eu un complot anarchiste ? Nous en discuterons. Et je pense qu'il y aura un certain débat entre nos invités de demain. Merci à Daniel Koenigsberg pour la lecture de ces textes. Voilà, comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Myriam Guillot était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Nous donnons rendez-vous demain et d'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur le site internet de France Culture. Vous êtes très nombreux également à les commenter sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et à nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.